Chapitre 2. Commencement de l'opposition dans le tribunat. Première persécution à ce sujet. Fouché. Quelques tribuns voulaient établir dans leur assemblée une opposition analogue à celle de l'Angleterre et prendre au sérieux la Constitution comme si les droits qu'elle paraissait assurer avaient eu rien de réel et que la division prétendue des corps de l'État n'eût pas été une simple affaire d'étiquette, une distinction entre les diverses antichambres du consul dans lesquelles des magistrats de différents noms pouvaient se tenir. Je voyais avec plaisir, je l'avoue, le petit nombre de tribuns qui ne voulaient point rivaliser de complaisance avec les conseillers d'État. Je croyais surtout que ceux qui précédemment s'étaient laissés emporter trop loin dans leur amour pour la République se devaient de rester fidèles à leur opinion quand elle était devenue la plus faible et la plus menacée. L'un de ces tribuns, ami de la liberté et doué d'un des esprits les plus remarquables que la nature ait départi à aucun homme, M. Benjamin Constant, me consulta sur un discours qu'il se proposait de faire pour signaler l'aurore de la tyrannie. Je l'y encourageais de toute la force de ma conscience. Néanmoins, comme on savait qu'il était un de mes amis intimes, je ne pus m'empêcher de craindre ce qu'il pourrait m'en arriver. J'étais vulnérable par mon goût pour la société. Montaigne a dit jadis, « Je suis François, par Paris. » Et s'il pensait ainsi, il y a 3 siècles, que serait-ce depuis que l'on a vu réunis tant de personnes d'esprit dans une même ville, et tant de personnes accoutumées à se servir de cet esprit pour les plaisirs de la conversation. Le fantôme de l'ennui m'a toujours poursuivi. C'est par la terreur qu'il me cause que j'aurais été capable de plier devant la tyrannie, si l'exemple de mon père et son sang qui coule dans mes veines ne l'emportaient pas sur cette faiblesse. Quoi qu'il en soit, Bonaparte la connaissait très bien. Il discerne promptement le mauvais côté de chacun, car c'est par leurs défauts qu'il soumet les hommes à son empire. Il joint à la puissance dont il menace, au trésor qu'il fait espérer, la dispensation de l'ennui, et c'est aussi une terreur pour les Français. Le séjour à 40 lieues de la capitale, en contraste avec tous les avantages que réunit la plus agréable ville du monde, fait faiblir à la longue la plupart des exilés, habitués dès leur enfance au charme de la vie de Paris. La veille du jour où Benjamin Constant devait prononcer son discours, j'avais chez moi Lucien Bonaparte, messieurs, et plusieurs autres encore, dont la conversation, dans les degrés différents, a cet intérêt toujours nouveau qu'excite et la force des idées et la grâce de l'expression. Chacun, Lucien excepté, lassé d'avoir été proscrit par le directoire, se préparait à servir le nouveau gouvernement, en exigeant de lui que de bien récompenser le dévouement à son pouvoir. Benjamin Constant s'approche de moi et me dit tout bas, « Voilà votre salon rempli de personnes qui vous plaisent. Si je parle, demain il sera désert. Pensez-y. » « Il faut suivre sa conviction, » lui répondis-je. L'exaltation m'inspira cette réponse. Mais je l'avoue, si j'avais prévu ce que j'ai souffert à dater de ce jour, je n'aurais pas eu la force de refuser l'offre que M. Constant me faisait, de renoncer à se mettre en évidence pour ne pas me compromettre. Ce n'est rien aujourd'hui, sous le rapport de l'opinion, que d'encourir la disgrâce de Bonaparte. Il peut vous faire périr, mais il ne saurait entamer votre considération. Alors, au contraire, la nation n'était point éclairée sur ses intentions tyranniques. Et comme chacun de ceux qui avaient souffert de la Révolution espérait de lui le retour d'un frère ou d'un ami ou la restitution de sa fortune, on accablait du nom de Jacobin quiconque osait lui résister. Et la bonne compagnie se retirait de vous en même temps que la faveur du gouvernement. Situation insupportable, surtout pour une femme, et dont personne ne peut connaître les pointes aiguës sans l'avoir éprouvée. le jour où le signal de l'opposition fut donné dans le tribunat par l'un de mes amis, je devais réunir chez moi plusieurs personnes, dont la société me plaisait beaucoup, mais qui tenaient toutes au gouvernement nouveau. Je reçus 10 billets d'excuses à 5 heures. Je supportais assez bien le premier, le second, mais, à mesure que ces billets se succédaient, je commençais à me troubler. Vainement j'en appelais à ma conscience, qui m'avait conseillé de renoncer à tous les agréments attachés à la faveur de Bonaparte. Tant d'honnêtes gens me blâmaient que je ne savais pas m'appuyer assez ferme sur ma propre manière de voir. Bonaparte n'avait encore rien fait de précisément coupable. Beaucoup de gens assuraient qu'il préservait la France de l'anarchie. Enfin, si dans ce moment il m'avait fait dire qu'il se raccommodait avec moi, j'en aurais eu plutôt de la joie. Mais il ne veut jamais se rapprocher de quelqu'un sans en exiger une bassesse, et, pour déterminer à cette bassesse, il entre d'ordinaire dans des fureurs de commande qui font une telle peur qu'on lui cède tout. Je ne veux pas dire par là que Bonaparte ne soit pas vraiment emporté. Ce qui n'est pas calcul en lui est de la haine, et la haine s'exprime d'ordinaire par la colère. Mais le calcul est tellement le plus fort qu'il ne va jamais au-delà de ce qui lui convient de montrer, suivant les circonstances et les personnes. Un jour, un de mes amis le vit s'emporter avec violence contre un commissaire des guerres qui n'avait pas fait son devoir. À peine ce pauvre homme fut-il sorti tout tremblant que Bonaparte se retourna vers un de ses aides de camp et lui dit en riant « J'espère que je lui ai fait une belle frayeur. » Et l'on aurait pu croire l'instant d'auparavant qu'il n'était plus maître de lui-même. Quand il convint au premier consul de faire éclater son humeur contre moi, il gronda publiquement son frère aîné, Joseph Bonaparte, sur ce qu'il venait dans ma maison. Joseph se crut obligé de n'y pas mettre les pieds pendant quelques semaines, et son exemple fut le signal que suivirent les 3/4 des personnes que je connaissais. Ceux qui avaient été proscrits le 18 Fructidor prétendaient qu'à cette époque, j'aurais eu le tort de recommander à Barras, M. de Talleyrand, pour le ministère des Affaires étrangères, et ils passaient leur vie chez le même M. de Talleyrand, qu'ils m'accusaient d'avoir servi. Tous ceux qui se conduisaient mal envers moi se gardaient bien de dire qu'ils obéissaient à la crainte de déplaire au premier consul. Mais ils inventaient chaque jour un nouveau prétexte qui pût me nuire, exerçant toute l'énergie de leurs opinions politiques contre une femme persécutée et sans défense, et se prosternant aux pieds des plus vils jacobins dès que le premier consul les avait régénérés par le baptême de la faveur. Le ministre de la police, Fouché, me fit demander pour me dire que le premier consul me soupçonnait d'avoir excité celui de mes amis qui avait parlé dans le tribunat. Je lui répondis, ce qui assurément était vrai, que M. Constant était un homme d'un esprit trop supérieur pour qu'on pût s'en prendre à une femme de ses opinions, et que d'ailleurs le discours dont il s'agissait ne contenait absolument que des réflexions sur l'indépendance dont toute l'assemblée délibérante doit jouir, et qu'il n'y avait pas une parole qui dût blesser le premier consul personnellement. Le ministre en convint. J'ajoutai encore quelques mots sur le respect qu'on devait à la liberté des opinions dans un corps législatif. Mais il me fut aisé de m'apercevoir qu'il ne s'intéressait guère à ces considérations générales. Il savait déjà très bien que sous l'autorité de l'homme qu'il voulait servir, il ne serait plus question de principe, et il s'arrangeait en conséquence. Mais, comme c'est un homme d'un esprit transcendant en fait de révolution, il avait déjà pour système de faire le moins de mal possible la nécessité du but admise. Sa conduite précédente ne pouvait en rien annoncer de la moralité, et souvent il parlait de la vertu comme d'un conte de vieille femme. Néanmoins, une sagacité remarquable le portait à choisir le bien comme une chose raisonnable, et ses lumières lui faisaient parfois trouver ce que la conscience aurait inspiré à d'autres. Il me conseilla d'aller à la campagne et m'assura qu'en peu de jours, tout serait apaisé. Mais, à mon retour, il s'en fallait de beaucoup que cela fût ainsi.